j'aime ce pays qui me tient en otage. Et même si la forêt porte tous mes frissons, je ne peux, je ne veux et ce ne serait pas sage. Abandonner de l'homme une certaine vision. Dans ces fuites contraintes, sous l'épaisse verdure, je ne cesse d'entrevoir ces visages d'enfants qui supportent en silence la folle et fracture, si peu sûrs par nos fautes de voir leurs 15 ans. Ces visions de malheur qui m'obsèdent et me pèsent s'ajoute à mes souffrances, mais m'empêche de douter. Des luttes à conduire pour qu'elles brisent les rêves de ceux qui nous enlèvent pour qu'on puisse rêver. La nuit enfouie dans mes cachots de lianes et de feuilles, j'aspire à la révolution des cœurs et des esprits. Sous le phare inquiétant des processions en deuil, j'entreaperçois parfois une autre Colombie. Vous qui êtes mes yeux, vous qui êtes ma voix, avec qui je chemine sans pourtant vous connaître, voyez comme ce soir nous partageons la foi. D'espoir en la justice et d'un futur à naître. Si je suis à Genève par la voix qu'on me prête, et bien que silencieuse du fond de ma prison, le combat que je mène a trouvé interprète qui nous unit ce soir. Tout l'amour d'une mère aux gens de mon pays.